Alors vous enregistrez ça là ? On enregistre un petit peu tout, je crois, dans le village. Bonjour. Bon, ça va partir en Angleterre, tout ça ? Oui, en Finlande. Oui, oui. En Finlande. Madame en Finlande. A déjà fait deux, trois tours pour voir. C'est pour si c'est pour quelqu'un de privé. Non, c'est ta femme. Elle est partie du côté où il y a Emilienne, là-bas, dans le bout, il y a Antoinette. Ah bon ? Enfin, elle m'a transmis, elle m'a dit fallait que t'ailles là-bas. Oui. En fait, c'est les universités de Finlande qui organisent ça et qui vont étudier 6 villages en Europe. Ils viennent d'Italie, ils sont ici à Lesconi, après ils vont en Écosse, ouais. En Allemagne, ils en ont un, et en Suède aussi. Ah oui, pour essayer, faire une synthèse un peu. Voilà, pour essayer de comparer les sons des différents petits villages. Ah oui, alors donc il a. Mais vous avez enregistré hier soir à la chorale, hein? Je crois que si. Si, il enregistre un peu, parce que lui, je l'ai vu, c'est votre saint collègue à vous. Ouais. Il a pris quelques photos, et après il est parti. Bonjour Hélène, ça va? Ça va, toi aussi? Oui.